Seconde Corinthiens chapitre 8. Au reste, mes frères, nous voulons vous faire connaître la grâce que Dieu a faite aux églises de Macédoine. C'est qu'au milieu de leur grande épreuve d'affliction, leur joie a été augmentée, et que leur profonde pauvreté s'est répandue en richesse par leur prompte libéralité. Car je suis témoin qu'ils ont été volontaires à donner selon leur pouvoir, et même au-delà de leur pouvoir. Nous pressons, avec de grandes prières, de recevoir la grâce et la communication de cette contribution en faveur des saints. Et ils n'ont pas fait seulement comme nous l'avions espéré, mais ils se sont donnés premièrement eux-mêmes au Seigneur, et puis à nous, par la volonté de Dieu. Afin que nous exhortassions Tite, que comme il avait auparavant commencé, il acheva aussi cette grâce envers vous. C'est pourquoi, comme vous abondez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en toute diligence, et en la charité que vous avez pour nous, faites que vous abondiez aussi en cette grâce. Je ne le dis point par commandement, mais pour éprouver aussi, par la diligence des autres, la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, étant riche, s'est rendu pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous fussiez rendu riche. Et en cela je vous donne cet avis, parce qu'il vous est convenable, qu'ayant non seulement déjà commencé d'agir pour cette collecte, mais en ayant même eu la volonté dès l'année passée, vous acheviez maintenant de la faire, afin que comme vous avez été promis à en avoir la volonté, vous l'accomplissiez aussi selon votre pouvoir. Car si la promptitude de la volonté précède, on est agréable selon ce qu'on a, et non point selon ce qu'on n'a pas. Or ce n'est pas afin que les autres soient soulagés, et que vous soyez foulés, mais afin que ce soit par égalité. Que votre abondance donc supplée maintenant à leur indigence, afin que leur abondance serve aussi à votre indigence, et qu'ainsi il y ait de l'égalité. Selon ce qui est écrit, celui qui avait beaucoup, n'a rien eu de superflu, et celui qui avait peu, n'en a pas eu moins. Or grâce soit rendue à Dieu, qui a mis le même soin pour vous au cœur de Tite, lequel a fort bien reçu mon exhortation, et étant lui-même fort affectionné, il s'en est allé vers vous de son propre mouvement. Et nous avons aussi envoyé avec lui le frère, dont la louange qu'il s'est acquise dans la prédication de l'Évangile, est répandue par toutes les églises. Et non seulement cela, mais aussi il a été établi par les églises, notre compagnon de voyage, pour cette grâce qui est administrée par nous à la gloire du Seigneur même, et pour servir à la promptitude de votre zèle. Nous donnons garde que personne nous reprenne dans cette abondance qui est administrée par nous, et procurant ce qui est bon, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Nous avons envoyé aussi avec eux notre autre frère, que nous avons souvent éprouvé en plusieurs choses être diligent, et maintenant encore beaucoup plus diligent, à cause de la grande confiance qu'il a en vous. Ainsi donc, quant à Tite, il est mon associé et mon compagnon d'œuvre envers vous, et quant à nos frères, ils sont les envoyés des églises, et la gloire de Christ. Montrez donc envers eux et devant les églises, une preuve de votre charité, et du sujet que nous avons de nous glorifier de vous.